Elle m'a donné un délai 48 heures avant de perdre la première place. C'est passé d'une minute à quelques heures avant qu'elle réponde à mes messages. Elle a parlé de mal en moi à toutes ses sœurs, à ses amis et sa famille. Et elle m'a dit que j'ai perdu la clé de son cœur et qu'elle a changé la serrure. Elle m'a donné un délai, un délai, un délai de 48 heures. Elle m'a donné un délai, un délai, un délai de 48 heures. Elle m'a donné un délai, un délai, un délai de 48 heures. Elle m'a donné un délai. Balaguer de sa brûle.